cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fanahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-kathira. Et parmi ces ni'am, le fait de s'entraider fi hadihi ad-durus allati nas'alu Allah azza wa jalla an yanfa'ana biha. Et à partir d'aujourd'hui, on reprend donc l'étude de Rawdatul Uqala de l'imam Ibn Hibban rahmatullah alayh. Wa hakada, une autre risala en deuxième partie de cours, تفسير كلمة التوحيد للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. On continue nos efforts في الدراسة, dans l'étude, dans la révision, dans كذلك la mémorisation, que ce soit le Coran al-Karim ou les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم ou متون أهل العلم. تعلمون أن هذا العلم c'est une ni'ma عظيمة, et c'est une cause pour être préservé des fitnes. On vit à une époque où il y a beaucoup de fitnes, beaucoup de divisions. فاعتصم بحبل الله عز وجل كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et حبل الله c'est دين الله, c'est la religion d'Allah, c'est le Coran, c'est le Sunna, c'est la voie des salaf. Et pour se cramponner, pour s'accrocher, pour suivre, il faut faire des efforts pour apprendre, pour s'améliorer, se corriger jour après jour. On doit tous faire des efforts pour préserver cette ni'ma. Comme les gens, ils n'ont pas accès à des durous. Comme les gens, ils sont privés de durous. Comme les gens, ils sont loin de la science pour diverses raisons. Anta ihmadillah. Ihmadillah, fais des efforts et accroche-toi et patiente. On est arrivé au huitième chapitre. Le dernier chapitre qu'on avait lu ensemble, c'était sur At-Tawadhu, la modestie. Et aujourd'hui, on commence le huitième. Qala al-imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala. ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم. هذا الباب سان باب important. وذكر رحمه الله أن من المستحب ذكر استحباب نعم التحبب إلى الناس. أي faire des efforts pour que ton frère musulman يتم. لأن المحبة بين المؤمنين c'est très très important. كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن. Le croyant c'est le frère du croyant. Et parmi les choses qui lient ces croyants entre eux, c'est المحبة في الله. On doit s'aimer في الله ولله pour Allah سبحانه وتعالى. فالتحبب إلى الناس. Donc faire des efforts pour que ton frère il t'aime, pour ne pas le blesser, ne pas le vexer. Il a un khiri min ghiri muqarafati al-ma'tham. Al-ma'tham c'est al-dhunub, al-ma'asi, les péchés. Donc on doit faire des efforts pour être apprécié, aimé par ses frères, lakin sans faire de péché. Limadha li'anna ba'd an-nas, ils n'ont pas comme principe, comme base, al-kitab wa sunnah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite de suivre le Coran ou le Sunnah. Enfin, vu qu'ils n'ont pas ces principes, enfin, ils essayent de se faire aimer par les autres avec ce que les autres ils veulent. Et là, c'est très très grave. Limada, lianna akhil karim, tu vis dans un environnement où il y a des muslimines, où il y a autres, min al kafar al mulhidin, ou hakada tes proches, où il y a ala taqwa wa salah, et un autre il a des difficultés muhim. On peut pas se comporter avec les gens de la même manière. Enfin, si le principe de la personne ça devient de satisfaire l'autre avec ce que l'autre il veut, ah là, ça ouvre un bab de char. Comme il y a un si tu appliques la sunna, il te rejette. Enfin, dans ce cas, tu fais des efforts, et s'il te rejette, c'est lui le fautif. On doit avoir un bon comportement, on doit faire des efforts pour être apprécié des autres, lakin sans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam la ta'a li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. On ne doit pas obéir aux autres en désobéissant à Allah azza wa jal. Wa fi al-hadith al-akhar innama at-ta'a fi al-ma'ruf. L'obéissance c'est dans al-ma'ruf et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, prendre en compte les autres, tes frères mu'min, essayer de te faire aimer, de te faire accepter. Hala, c'est matloub, comme ça y est, ma'ana. Lakin, sans faire de concessions dans son din. Naam, sans désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme minan nas, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala pour se faire accepter d'un proche ou d'un ami, ou pour ne pas être critiqué. Hala, c'est pas la solution. Abedan. Les annanas, les gens, ils ont la critique facile. Comme une annas, Robama, tu es ma'asinin, de longues années, et peut-être une chose, et il te délaissera. Enfin, c'est pour ça qu'on ne doit pas essayer de satisfaire les gens. Là, on satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on est des frères et on s'aime vraiment, fillahi azza wa jal, notre amour à Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemblera. Et nos manquements, nos défauts, nos faiblesses, enfin, chacun, il aura de la miséricorde envers son frère. Bien sûr, tout ça avec des points importants à citer. Et l'imam Nuhibban, rahimahullah, il en a cité quelques-uns. Qala, rahimahullah, akhbarana Ahmad ibn al-Hassan ibn Abd al-Jabbar, bi-Baghdad. Qala, haddathana Yahya ibn Ma'in, l'imam, min a'immati al-jarhi wa al-ta'dil. Il vivait à l'époque de l'imam Ahmad, alayhim rahmatullah. قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام ابن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله ابن عمرو الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل parmi les grands compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. الحديث إلى أوتنتيك الإمام الألباني رحمه الله إلا صحح كما في صحيح الترغيب. Et ce hadith il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres. يحرم على النار. Allah subhanahu wa ta'ala il interdit au feu de toucher à qui كله هين. Ça c'est la première صفه. La première caractéristique de هؤلاء qui ne seront pas touchés par le châtiment du feu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit au feu de châtier ha'oula. Kullu hayyin, ça c'est la première. Layyin, ça c'est la deuxième. Qarib, sahl. Quatre caractéristiques. Al-oula, qawluhu hayyin, ay dhu as-sakina. Dhu as-sakina. As-sakina, c'est le calme. La quiétude. Une personne qui ne se précipite pas. قال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Ça c'est min صفات عباد الرحمن. حتى quand ils marchent, ils sont à la هذه الصفة من الوقار والسكينة, le calme, la modestie. Ils s'écartent de l'orgueil, de rabaisser les autres. قوله لين. هذا c'est واضح أن اللين c'est la douceur. Donc, hayyin, calme, modeste, et kadalik, doux, qarib, qarib, le mot qarib, ça vient du mot qurb, ay, quelqu'un d'abordable, de proche, il est à l'écoute de ses frères, sahl, le mot sahl, kadalik, il est ma'rouf, inda aktharikum, sahl, ay, niveau akhlaq, il n'est pas compliqué. وسبحان الله أن بعض المؤمنين الله سبحانه وتعالى il leur a donné مثل هذه الأوصاف. إنهم ils ne sont pas compliqués, ils sont abordables, ils sont très très loin du kibr. Même si leurs frères ils commettent une erreur envers eux, ils ont cette capacité بإذن الله عز وجل d'accepter le pardon. Cheikh Ibn Baz رحمة الله عليه dans son charh de Riyad al-Salihin il a expliqué ce hadith avec quelques mots, mais avec des معاني مفيدة جدا. Donc, نستفيد كذلك أن الحديث اللي في رياض الصالحين باب الحلم والأنا والرفق le chapitre de la douceur. قال الشيخ رحمه الله أي الإمام نباز dans on répète شرح رياض الصالحين le volume numéro 2 de cette طبعة. Il a cité le hadith ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل. كان l'ordre c'est pas le même que le nôtre. نعم نعم dans cette version que Cheikh Ibn Baz a cité le wasf al-qarib c'est le premier sahl sahl là il y a plusieurs versions l'essentiel c'est que les quatre caractéristiques elles sont bien citées قال الشيخ رحمه الله يعني ليس بفض ولا غلي أي ce mu'min qui sera préservé du feu بإذن الله عز وجل أنه il n'a pas cette dureté qui n'est pas à sa place la fermeté c'est matloub. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les mu'minines qui sont fermes dans la vérité, mais sans dépasser les limites, exagérer et être dur envers son frère. Alors que tu as un moyen avec la douceur de lui faire parvenir cette vérité. Le mu'min, son but, ça doit être que son frère mu'min, il soit comme lui. Si tu es guidé, tu espères que ton frère mu'min il soit guidé. Si tu as été préservé par tel péché, par telle épreuve, tu espères que ton frère mu'min, كذلك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Personne ne croira tant qu'il n'aimerait pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc on doit faire des efforts pour avoir هذا الشعور, ce sentiment dans notre cœur, on veut le bien pour notre frère mu'min. Donc pour faire parvenir ce bien, imma tu vas le faire parvenir avec la dureté, avec la précipitation, avec l'ignorance. Et في هذا الحال الإنسان il fera du mal à son cœur. Et ma tu feras parvenir هذا الخير, ce bien, cette sunna que tu as apprise, cette parole de savant qu'on t'a enseignée, il a akhiré avec ilm, avec science, avec douceur, avec rifq. Et l'échec, et on sera tous d'accord sur ce point, anna, tu auras beaucoup plus de facilité, si on se met à la place de notre frère, tu auras plus de facilité à accepter un conseil, une parole, une nasiha, tawjih, avec douceur et avec calme et avec science que le contraire. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ja'ala min awsaf an-najun min an-nar yawm al-qiyamah annahum ils ont hada al-wasf annahum ils n'ont pas cette dureté mal placée. Qala bal huwa qarib bi fi'lihi ma'a an-nas. Il est qarib bi fi'lihi. Pas avec le qawl faqat, la, hatta bil fi'l. Quand tu as besoin de lui, il est là. Quand tu souffres, tu es touché par une épreuve, il est là. Ton frère. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Les croyants, ils sont comme une construction. Une construction, elle a besoin de base. Thomas, cette construction, tu vas l'élever avec des briques. Fa hakad al mu'min, avec son frère mu'min. S'il manque les bases, la construction, elle s'effondre. On doit faire des efforts أكثر في هذا قال لين الحديث سهل المراجعة ليس بفض ولا غليظ ولا متشدد تأمل قوله لين أو لين الحديث الحديث أي لما يتكلم quand il parle il a cette façon de parler ne pas blesser ne pas accuser ne pas se précipiter المؤمن il fait des efforts pour toujours laisser de la place à son frère. Ne pas mettre ton frère directement contre le mur. Obama, même si tu as raison, peut-être qu'il va t'écouter, peut-être qu'il va accepter, peut-être qu'il n'avait mal compris, peut-être qu'il a eu une faiblesse et Shaitan t'a sallata alayhi. Et un tas essaye d'être une cause, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a fait, que autour de toi des gens sages avec ilm, avec rifq, avec douceur, Obama ils ont été la cause pour que tu acceptes la vérité. Ben, n'oublie pas le khair, akhi al-kerim. Qala, sahl al-muraja'a. Ça c'est important. من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم سهل ورappelez de ce mot dans le hadith سهل أي il est simple il n'est pas compliqué. Cheikh Ibn Baz رحمه الله قال سهل المراجعة صحيح أحيانا tu peux avoir une position un avis ثم ton frère il te montre un autre avis une autre position autre chose avec علم avec douceur et dans ce cas ce mu'min il est سهل المراجعة il change de position tant qu'il suit le haq ce qui est interdit et qu'on doit absolument éviter, c'est de suivre al-hawa. Un jour dire une chose, demain un autre il parle, dire une deuxième chose, faut s'adapter à l'endroit où on vit par rapport aux passions pour pas que les gens me critiquent. Ça c'est min al-hawa, ça c'est les passions. Amma délaisser son qawl pour suivre le haq, ça c'est min sifat al-mu'minin an-najin. Sahl al-muraja'a. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est pas que je défende ma position ou la position de mon ami ou la position de mon cheikh ou la position de mon école ou autre. Abatan. L'essentiel c'est de défendre le haq. Si on nous montre al-haq, enfin, en tant que mu'min, on doit avoir had al-wasf, al-nabi al-azim. On revient et on suit ce haq. Qala, bel layyin ma'a ikhwanihim wa tawadhi' ma'a ikhwanihim. Layyin, la douceur avec ses frères, la modestie avec ses frères. Kadalik, ne pas croire qu'on a toujours raison. Khasatan en cas de khilaf ma'a ikhwanik. Ne pas se précipiter. Ba'd an-nas ka'anna al-haq, il est forcément avec eux. Là, ça c'est wasf an-nabi alayhi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ça c'est réservé au prophète et au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Anna al-haq il est forcément avec lui. Et il est infaillible alayhi salatu wassalam. Et il ne parle pas sous l'effet de la passion, abadan. Bal qawluhu c'est la révélation. Amma ana wa ant ou un autre. Enfin, la shak anna notre parole on peut l'accepter, ou plutôt elle peut être acceptée, elle peut être rejetée. Kullun yukhad min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Hakada qala Imam Malik et a'immat as-sunnah ils sont ala hadha al-madhhab al-jamil. On peut prendre la parole de quiconque ou la rejeter sauf an-nabi al-karim alayhi salat wa salam. Qala hadhihi min sifati ahli al-jannah min sifati ahli al-iman wa at-taqwa 'adam al-ghilzah wa ash-shiddah. Ça, c'est parmi les caractéristiques des croyants. Ahlul iman, ahlul taqwa, ceux qui font des efforts pour progresser dans leur din. Anahum, ils s'écartent de la dureté, de la shidda, la précipitation avec leurs frères. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de shidda, abadan. Là, certaines situations, c'est du cas par cas. Là, la base, c'est hala. La base, c'est cette douceur, cette mahabba, cette entraide. Fama, si wahed matalan, c'est un innovateur, il ne veut pas écouter, enfin, on aura un autre mawqif. Matalan, avec Wahed qui quitte l'islam, iyadan billah, s'il veut pas écouter, on aura un autre mawqif. Lakin la base, c'est had. Qala Allah Azza wa Jal, Muhammadun Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar. Ruhama'u baynahum. C'est ça la base. C'est ça la voix des salafs, c'est ça la voix des compagnons, radiyallahu anhum. Muhammad Rasulullah, walladhina ma'ah, ceux qui étaient avec lui, et les compagnons, radiyallahu anhum, ajma'in. Ash-shidda'u 'ala al-kuffar, très dur envers les ennemis de l'islam, envers les kafirs. Ruhama'u baynahum, miséricordieux entre eux, de la rahma. Amma inverser les choses, tu trouves ba'dhum ma'a ikhwanihim al-mu'minin, bal ma'a ikhwanihim ahl-sunnah, bal ma'a ikhwanihim talabat al-'ilm. Peut-être que leur frère, il est min ahl-sunnah, peut-être qu'il fait des efforts fil 'ilm. Une chose, il se comporte avec lui qu'annahu il est sorti de l'islam. Ça c'est pas min sunnat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et tu trouves le janib al-akhar avec a'da'ullah, avec les ennemis de l'islam. Khassatan quand il y a un profit d'argent ou autre, tu trouves an-nahum ils mettent en avant, il faut du respect, il faut le bon comportement. Même, il faut le bon comportement même avec les ennemis de l'islam. Là qu'il n'oublie pas tes frères. Tes frères, ils sont ahaq, ils sont awla de ce bon comportement que tu as. Fa hada kalam mukhtasar par rapport à ce hadith que l'imam Ibn Hibban rahimahullah il a cité fi hadha al-mawdi'. Thumma qala rahimahullah al-wajib 'ala al-'aqil. On fait une précision là par rapport au mot 'aqil. Anna tadhkurun au début du livre on avait cité walillahil hamd les paroles de serment concernant le mot 'aqil, et on avait cité pour nos frères qui comprennent pas l'arabe certaines traductions, ça vient du mot 'aql, le doué de raison. Lakin on a été informé de par le Fudala une des traductions qui est très proche du sens, c'est le mot sensé, une personne sensée. N'am, lien al-aql, ça peut être, si on reste au sens linguistique, l'aql ça peut être celui qui a la raison. Et autre que les animaux, les êtres humains ils ont la raison, sauf celui qui a perdu cette raison. Là qu'il le mot sensé il est plus proche. Lien comme min an-nas, ils ont la raison, et c'est pas des fous. Lakin ils ne sont pas censés, se contredisent et se font du mal. Hada c'est un tambih. Et pour ceux qui veulent une traduction un peu plus proche du sens arabe. Qala al-wajib 'ala al-'aqil. أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق. Ça c'est واجب على العقلاء. Pour ceux qui veulent du bien avancer dans leur dîn, أنهم يفون des efforts pour être appréciés des autres. Pas pour se montrer. لا لله. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. لكن ton frère il a un حق sur toi. Comme toi tu aimes que ton frère il a un bon comportement. etc. فهو كذلك. قال وترك سوء الخلق. لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد. هذا كلام جميل. Le bon comportement, il efface les péchés. Comme le soleil fait fondre la glace. الجليد, c'est بمعنى هنا la glace. قال وإن الخلق السيء لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. صحيح. أنا le mauvais comportement, ça salit. Les bonnes œuvres comme al-khal, al-khal c'est le vinaigre, ils changent le goût du miel. Comme minanas, ils font des efforts fil amal. Al-hajj wa al-umrah wa al-siyam wa talab al-ilm wa être régulier au majid, etc. Ça c'est tayyib. Lakin, ils salissent ahyanan hadhi al-amal avec un mauvais comportement. Bel, ils sont la cause que certains ils s'écartent de sunnah ou même de l'islam. À cause du mauvais comportement. On essaie d'embellir nos adorations en étant sincères à l'Allah Azza wa Jal et en suivant le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'on embellit notre comportement. قال وقد تكون في الرجل اخلاق كثيره صالحه كلها وخلق سيء فيفسد الخلق السيء الاخلاق الصالحه كلها. بعض الناس كما قال, ils ont des bons comportements dans plusieurs choses, lakin ils ont un mauvais comportement qui entache tout le reste. Ça ne veut pas dire que celui qui a un mauvais comportement, il est condamné. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala tawwabun ghafurun rahim. Lakin, ahada awalan, tastavid anna, tu dois faire des efforts, on doit tous faire des efforts. Si on a un mauvais comportement qui nous fait du mal et qui fait du mal aux autres, on essaye de se corriger et encore plus fibab al-da'wa. Ta'alamun anna nas, encore plus à notre époque, أنهم, ils regardent beaucoup l'apparence. Et ton apparence, pour toi, c'est ton comportement. Comment tu marches, comment tu parles, comment tu manges, etc. Le comportement dans plusieurs domaines. الناس, ils regardent هذا. Et أنت, en tant que, pour ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité talabul ilm, ou pour le sunna en général, on vit à une époque, كثير من الناس, ils accepteront pas, ou ils prêteront pas attention à ta da'wa quand tu parles. Parce qu'ils n'ont pas ces valeurs de ilm, etc. Ils ne sont pas encore prêts. Lakin, ils donnent beaucoup d'importance au comportement. Enfin, ne néglige pas hadha al-bab. C'est pour ça que Kathiran, on a répété dans ce livre, on ne doit pas être égoïste, penser qu'à nous. Wadanas, ils sont hakada, ils pensent qu'à eux. Moi, je dis la vérité, et la vérité, c'est la vérité, même si ça blesse. Et taqillah. Là, 17 vérités sans blesser. Là, 17 vérités de la meilleure des manières. L'imad al-anna, tu es responsable. Pourquoi tu es responsable? Allah Azza wa Jalla t'a guidé. Il t'a facilité. Enfin, tu dois être une porte de bien pour les autres. Ama khalas, Allah il nous a guidé et moi j'applique comme je veux, je fais comme je veux. Celui qui veut accepter, l'accepte. Celui qui veut ne pas accepter, qu'il n'accepte pas, qu'il refuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous éprouver. Léana, si Allah il nous a guidé aujourd'hui, on ne sait pas on va mourir sur quoi. Wal a'mal bil khawatim. L'essentiel c'est sur quoi on va mourir. Comme les nanas, ils ont vécu sur une chose et ils sont morts sur autre chose. Parmi les causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, que tu facilites aux autres. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite? Facilite à ton frère. Tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve? Préserve les droits de tes frères. ثم قال رحمه الله pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas assisté avec nous depuis le début, on fait un résumé. نحن, on ne lit pas toutes les paroles de l'imam Nuhibban. Il y en a le livre, il y a plusieurs, beaucoup de pages. Voilà, à peu près 500 pages. Enfin, tout le lire, ça prendrait énormément de temps. نحن, ce qui nous intéresse, c'est de prendre certains passages. Alhamdulillah, avec ces certains passages, on a compris l'essentiel du chapitre et on aura compris, idnillah, l'essentiel du livre. On passe directement أو نعم قول الفضيل ابن عياض dans ma nuskha, dans mon livre, le numéro 173. Donc, l'imam Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, il a cité al-Isnad jusqu'à al-Fudayl ibn Iyad, annahu qala, rahimahullah, idha khalatta fa khalit hassan al-khuluq, fa innahu la yad'u illa ila khayr, wa sahibuhu minhu firaha. Si tu veux fréquenter Akhil Karim, fréquente ceux qui ont un bon comportement. هذه نصيحة هذا الإمام الفضيل رحمة الله عليه. حسن الخلق. Si tu fréquentes ceux qui ont un bon comportement. Pourquoi? لأن il t'appellera au bien. Il t'appellera au bien. Et كذلك tu seras فراحة. Même si tu te trompes, il te corrigera بالتي هي أحسن. Si tu as oublié, il te rappellera. Tu as une faiblesse, il essaie d'être une cause pour te renforcer. Enfin, tu seras فراحة. Tu as eu un mauvais comportement avec lui. Tu as eu un manque, ça nous arrive tous, on a tous des faiblesses. Et il te comprendra. Il te pardonnera. Ce sahib, ce compagnon, cet ami, il saura que tu n'es pas infaillible et il n'est pas infaillible. قال ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عنا. Et fais attention de ne pas prendre pour compagnon, صديق, صاحب, un سيء الخلق. Quelqu'un qui a un mauvais comportement. لماذا لأنه يتقبل قوم مال؟ إيه، on n'est pas à l'abri ou le mort ou à la dîne Khalil, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. L'insan, il a la même religion que son ami intime, que son compagnon. Enfin, si tu sahib, tu fréquentes quelqu'un qui a du mal, ربما tu seras touché par ce mal. ولا بد. Et كذلك صاحبه منه في عنا. Tu seras في تعب. العنا هنا c'est تعب. Il te fatiguera. Toujours des problèmes, toujours des accusations. Un tel il a dit, un jour énervé, un jour une insulte, un jour une moquerie. Tu seras fitab. Ton compagnon, encore plus, fait talab l'ilm. Si tu veux avancer fait l'ilm, choisis un compagnon, un ami qui t'aidera. Qui t'aidera et un takadalik tu l'aides. قال ولا أن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ. سيء الخلق. القاري هنا سبب معنى celui qui fait des efforts في العلم. Ça vient du mot qira à la lecture. القراء, à l'époque ils appelaient القراء et العلماء. فقال هنا الفضيل رحمه الله vaut mieux être accompagné par un fajr, quelqu'un qui a des faiblesses, qui fait des péchés, qui n'est pas sérieux dans beaucoup de choses, لكن il a un bon comportement, que واحد qui fait des efforts في العلم et في العبادة, لكن il a un mauvais comportement. Et ça bien sûr c'est pas à l'itlaq. قال إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه. هذا صحيح. أن même celui qui a des problèmes dans son dîn, des manquements, لكن il respecte les autres. Et il a un bon comportement, les autres ils vont l'aimer. بل ils vont essayer de le conseiller pour qu'il s'améliore. قال وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. صحيح أن العابد celui qui fait des efforts في العبادة et في العلم etc. لكن il a un mauvais comportement, les gens ils regarderont que le mauvais côté, encore plus العوام, encore plus les gens de la masse. أنهم كما تقدم معنا, eux ils sont focalisés que sur le comportement. Ils voient un mauvais comportement, tu peux avoir le ilm de Cheikh al-Islam, ils te rejetteront. Tu peux avoir un bon comportement. Et maintenant, واحد qui a un bon comportement, لكن c'est من رؤوس المبتدعة, ils seront attirés par lui. On ne doit pas négliger هذا. ثم قال رحمه الله, on passe directement à la page suivante. Le vers de poésie numéro 177. قال وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه. صحيح بعض الناس تشوفوا الخير sur leur visage. أهل الخير et الخير tu le vois sur leur visage. قال طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه. طوبى أي كما جاء في الحديث, طوبى أي الجنة. أي c'est comme un dua pour celui qui est la cause de faire parvenir le bien aux autres. قال ما لم يذق خلق الفتى فالارض واسعه عليه. صحيح ce bon comportement, il va t'apporter une raha. Et ça, c'est très, très important. Le bon comportement, il va apaiser ton cœur. Comme les gens, ils ont beaucoup de choses. Niveau din, même niveau dunya, ils sont à l'aise. Lakin, à cause du mauvais comportement, wallah, ils vivent une vie triste. Non, mais ils sont rejetés par un tel, ils sont accusés par un tel, il doit da'iman s'excuser, da'iman kada, et il a pas cet apaisement dans le cœur. ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون عن يونس بن عبي عن ميمون بن مهرة قال التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف العلم واقتصادك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونة. Trois conseils. التودد إلى الناس نصف العقل. La moitié de la raison, c'est dans le fait de te faire aimer par les autres. L'imam d'Aliana, ça va te faciliter beaucoup de choses. On le répète tous à l'Illah. Notre bon comportement, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi le bon comportement, c'est de faire des efforts pour ne pas blesser les autres. قال وحسن المسألة نصف العلم. La moitié de la science, elle réside dans حسن المسألة. المسألة, ça vient du mot سؤال. C'est un synonyme, ça se ressemble. Al-mas'ala wa su'al, et le fait de demander. Lakin ta'ammalu huna anna hadhihi al-mas'ala a été qualifiée de husn. Tu demandes pas n'importe quand, à n'importe qui, n'importe comment. Et on avait fait wallahi alhamd une kalima avec nos frères sur le fait sur nasit le titre, comment poser ses questions avant par rapport à tout ce qui traite le sujet des questions. Wa iqtisaduka fi ma'ishatik yulqi 'anka nisf al-ma'una. كذلك tu veux vivre heureux, n'oublie pas هذا الجانب. Al-ma'isha, c'est ce que tu as besoin tous les jours. Enfin, si tu fais هذا الاقتصاد, tu fais des économies في معيشتك, tu sais vivre, tu ne gaspilles pas ton argent inutilement, voilà, chacun, ça va te permettre, comme قال يلقي عنك نصف المؤونة. المؤونة, c'est التعب. La moitié des problèmes et tout ce qui est lié à المعيشة, est-ce qu'on a besoin pour vivre, alhamdulillah, tu seras préservé min hada al-janib. Limada liana, tu te contenteras du peu. Et le peu que tu auras, tu le dépenseras dans les choses utiles. Wallillahi alhamd, tu avanceras. Thumma qala rahimahullah. La page suivante, qala Abu Hatim hajatul mar ila an-nas ma'a mahabbatihim iyyah khayrun min ghina 'anhum ma'a bughdihim iyyah. Hada ina ugandut. Anna celui qui fait des efforts et les gens ils l'aiment. Al-mu'minun, bien sûr. Et ouais, il aime ses frères. Et il est utile pour eux, il est mieux, il est meilleur qu'un autre. قَالَ مَعَ مَحَبَّتِهِمْ خَيْرٌ مِنْ غِنَا عَنْهُمْ مَعَ بُغْضِهِمْ إِيَّا. Et le fait qu'il le déteste, lui, il n'a pas besoin d'eux. فَفِيَادَ الْحَالِ, le premier cas, il est meilleur. قَالَ وَالسَّبَبَ الدَّعِي إِلَى الصَّدْ مَحَبَّتِهِمْ لَهُ هُوَ التَّضَايُقْ فِي الْأَخْلَاقِ. Pourquoi بعض الناس يرجد d'autres croyants. Ça arrive, là. Ça arrive dans tous les pays, dans toutes les villes, dans toutes les contrées. Il y a des problèmes. Une des principales causes, c'est at-tadayuq fil akhlaq. Il n'arrive plus à supporter les comportements de cette personne. قال وسوء الخلق لأن من ذاق خلقه شتمه أهله وجيرانه واستثقله إخوانه. Celui qui a un mauvais comportement, تأملوا. ذاق خلقه شتمه أهله وجيران. Il se fera insulter par ses voisins, belle par les propres membres de sa famille. واستثقله إخوانه. Même ses propres frères. Il a employé ce mot استثقله. Ça vient du mot ثقل. Vous connaissez le mot ثقيل. En français, quelque chose de lourd. فهذا الإنسان, même ses propres frères, pour eux, il deviendra lourd. Ils ont du mal à rester en sa présence. لماذا? Il y en a quatre tout le kalam, le fait de parler beaucoup, le fait de trop plaisanter, le fait d'insulter, le fait de se moquer, le fait de faire de la médisance, le fait de ne pas accepter la vérité. Là, chacun a côtoyé ce genre de personnes, c'est très très dur. Lakin ma hada, on ne désespère pas. Nasiha. Ma hada, on fait des efforts pour lui montrer. Amma ash-sharir, celui qui ne veut pas le haq, celui qui ne veut pas faire de s'améliorer dans son comportement. Et encore bien sûr plus important dans l'istiqama, dans le suivi de la vérité. Fahada. Les kulli maqamin maqal. Et par rapport à cette situation, l'insan, il demande à Ahlul Ilm pour savoir comment se comporter. On a déjà fait cette remarque, on l'a refait. Un âge qu'on cite, l'un, c'est Umumat, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des vers de poésie, Kalam, Ibn Hibban, bien sûr, rahmatullah alayhi. Tout ça, c'est Mimbab al-Umum. C'est pas du cas par cas. Tu as un verset ou un hadith ou là bien sûr la parole d'un savant, lakin c'est général. Thomas, dans le cas par cas, ça peut changer à cause de certaines causes. Et comment faire la différence entre le général et le cas précis avec l'ilm, avec la science, tu comprendras. Tel insan, peut-être qu'il a une excuse. Tel insan, peut-être qu'il a fait cette chose, lakin il a oublié, il s'est précipité, il savait pas. Donc est-ce que tu vas appliquer directement toutes les preuves que tu as sur le fait de mettre en garde ou d'avoir tel comportement, là, chaque chose a sa place. Et celui qui n'a pas de ilm, comme c'est notre cas, qui n'a pas beaucoup d'ilm, on demande à Ahlul Ilm. Thumma qala rahimahullah, on passe directement à la précision qu'il a fait sur l'istithqal dans la page suivante. Qala Abu Hatim rahimahullah, l'istithqal minan nas yakun sababuhu shay'ain. On peut se poser la question, hein, après ces pages qu'on a lues, on a compris que le mauvais comportement, c'était une cause de istithqal et de devenir lourd. Thomas, les gens, ils s'écartent de cette personne qui a ce mauvais comportement. Pourquoi? Parce que ça devient lourd pour eux, ça devient difficile. On peut se poser la question, hein, c'est quoi les causes? Pour éviter de devenir lourd, d'avoir un mauvais comportement, d'être rejeté des autres. Qala sababuhu shay'ain. Deux causes. Ahaduhuma muqarafatu, ne pas lire mufaraqatu. Vous avez vu qu'il y a bien le qaf avant le fa. Al mufaraqa, c'est le fait de délaisser. Al muqarafa, c'est le fait de faire. Enfin, on a bien muqarafa. Ay muqarafatu al mar ma nahaa Allahu anhu min al ma'atham, li'anna man ta'adda hurumat Allah abghadahu Allah, wa man abghadahu Allah abghadathu al mala'ika, thumma yudha'u lahu al bughd fi al ard. La première cause, c'est les péchés. Limada, comme a dit Ibn Hibban, rahimahullah, et le asl de ce kalam, c'est hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, sahih muslim, en Allah subhanahu wa ta'ala, quand il déteste une personne, il ordonne les anges de détester cette personne. Donc, quand les anges, ils détestent cette personne, fayoudou alahu al-bourd fil ard, hatta sur terre, les hommes pieux, ils le détesteront. Ça nous montre ماذا? Ça nous montre anna al-ma'asi, les péchés, mukhalafat al-sunnah, al-bid'a wal-khurafat. Al-ma'asi, globalement, ça fait du mal à l'inzan et kadhalik, rubbama an-nas yubghidhuna, ils le détestent. Ça, c'est la première cause par rapport au din de la personne. La deuxième, قال, والسبب الآخر, هو استعمال المرء من الخصال ما يكره الناس منه. فإذا كان كذلك استحق الاستثقال منهم. La deuxième cause, c'est le mauvais comportement. Faire des choses ou dire des choses ou se comporter d'une façon que les autres n'apprécient pas. Bardanas, maintenant, ils savent qu'un tel, il n'aime pas telle chose et qu'un homme volontairement, ils font cette chose. Là, il y a un baril. On ne parle pas de si c'est une sunna ou une adoration, une obligation. Comme taqaddama ma'ana, tu l'as fait. Et celui qui n'accepte pas, c'est lui le fautif. Là, on parle d'une chose qui est liée au comportement par rapport à ton frère. Maintenant, ça y est, il y a un chapitre très, très profitable sur al-mizah, sur la plaisanterie. Wadhanaz, ils exagèrent via d'albeb, ils plaisantent trop avec des personnes plus âgées que al-ah. Donc, moi, ça cause la division. Donc, moi, il devient lourd. Et on a tous connu ça, des personnes qui deviennent lourdes, l'imada, à cause de la plaisanterie. Là, la plaisanterie, c'est tayyib, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a plaisanté, lakin, chaque chose a sa place. On m'a plaisanté du matin au soir. Thomas Bardoum, la plaisanterie, ça devient de la moquerie. Il se moque de son frère, Thomas, il dit, je plaisante. Là, tu peux pas plaisanter en te moquant, là. C'est de la moquerie. Si tu veux plaisanter, essaye de plaisanter avec ton frère. Mais si ton frère, il n'est pas prêt, ou il est fatigué, ou l'insan, il faut qu'il soit aqil. C'est ça le but de ce livre. Rawdatul uqala. Hey, faire de nous des uqala, des personnes sensées. Faire de nous des musulmans avec un bon comportement. Donc, ces deux causes, niveau din et niveau comportement. Thumma qala, rahimahullah, sami'tu Muhammad, on peut lire directement نعم أو الإسناد إلى كور نعم on peut le lire. قال سمعت محمد بن السري البغدادي يقول سمعت أبا بكر كانه المروذي ونعم بفتح الميم المروذي يقول سألت أحمد بن حنبل عن الثقلاء. Ils ont demandé à Imam Ahl-Sunnah à son époque, à l'imam Al-Mubaddal Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, عن الثقلاء. C'est qui الثقلاء? Ceux qui ont cette sifa d'être lourds. قال رحمه الله فقال سألت عنهم بشرا الحافي فقال النظر إليهم سخنة العين فقلت لأحمد من الثقلاء. Ils ont reposé la question à Ahmed, c'est qui الثقلاء? قال أهل البدع. Et là, chaque, أن هؤلاء سمين أثقل الناس. C'est très très difficile de rester avec هؤلاء. لماذا? Les أنهم, ils sont lourds avec leurs khurafat, avec leurs bid'a, avec leurs innovations, avec leurs paroles sans preuve, avec leur refus d'accepter la vérité, avec leurs accusations, avec leurs précipitations. On peut prendre un exemple que, avant, je pense que beaucoup d'entre nous ont connu, le fait de, quand Jama'at al-Tablir, quand ils sont deux ou trois, un petit groupe, et ils viennent pour discuter. Tout le monde, ils essayent d'imposer leur bid'a, tout le monde, ils n'écoutent pas. Enfin, ils ont un wasf, wasf al-bid'a, et cette bid'a a fait d'eux des gens très très lourds. Hatta al-awam, quand ils les voient, ils fuient. Pourquoi? Parce que c'est des ignorants, c'est des innovateurs. Et on a un tambir tayyib. On fait le lien entre la sunna, le contraire c'est le bid'a, et le bon comportement. Ah, ça nous montre quoi? Ça nous montre que le bid'a, c'est un mauvais comportement. Et ça nous montre que sunna, c'est le bon comportement. Pourquoi les annas, ils pensent que le bon comportement, c'est faqat le sourire? Là, rien n'est le bon comportement, c'est de ne pas sourire. Bardanès, je pense que le bon comportement, c'est faqat la douceur. Là, rien n'est le bon comportement, c'est la fermeté. Lakin, on a cité quelques bases au début du cours. Ala kulli hal, si tu veux améliorer ton comportement, fais des efforts pour suivre un Nabi alayhi salatu salam. Ouais, il avait envie à une époque, mathalan, le fait de se mélanger avec l'établir, avec les ikhwan, avec n'importe quel groupe égaré. Inda Bardanès, c'est de la hikmah. C'est de la sagesse, c'est un bon comportement, tu n'es pas dur. Inda as-salaf, le bon comportement, c'était de s'écarter de Haoula. Ces bases, elles sont importantes et on les a citées كثيراً dans ce livre et dans d'autres livres. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ إِبْنُ نَصْرِ إِبْنِ عَمْبَرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ إِبْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِبْنِ بَكِيرٍ قَالَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذا استثقل جليسا له قال اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه في عافية. دعاء جميل de ce compagnon رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه quand il était en compagnon de أحد هؤلاء et il ressentait هذا الاستثقال منه, cette lourdeur à cause d'un mauvais comportement etc. فأبو هريرة il faisait ce دعاء اللهم اغفر لنا وله. ça montre la rahma. Ça reste ton frère mu'min. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne et il nous pardonne. Thumma qal wa arihna minhu vi'aviya. Et que dalik, ne doit pas oublier le fait de te préserver. Les anna, beaucoup de muslims, ils ont fait cette erreur et ils font encore cette erreur. Ils se font du mal pour pas vexer les autres. Wa hada la yambari. Fali hada, Abu Huraira qal wa arihna minhu vi'aviya. Ya Allah, préserve-nous de lui vi'aviya. Imma en le corrigeant, imma en le guidant, al-muhim, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te préserve. Comme minan nas, ils ont perdu leur din à cause d'une mauvaise fréquentation. Ba'd al-muslimin irtaddu, certains muslims, ils ont quitté l'islam à cause d'une mauvaise fréquentation. Un athée, un laïc, un mujrim min al-kafara. Comme min al-sunna, comme min sunni, il a perdu son manhaj sahih à cause d'une fréquentation. Imma avec le khawarij, imma avec l'ikhwan, imma avec d'autres. فَلِهَذَا حَافِضْ عَلَى دِينِكَ. Préserve ton din. Et si tu es éprouvé par une mauvaise fréquentation, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. Si tu peux faire les efforts pour lui montrer, montre-lui. Si tu vois qu'il n'écoute pas et ça peut faire du mal à ton din, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te préserve. قَالَ أَبُو حَاتِمْ رَحِمَهُ اللَّهِ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ مُجَانَبَةُ الْخِصَالِ الَّتِي تُورِثُهُ اسْتِثْقَالُ النَّاسِ إِيَّاهُ وَمُلَازَمَةُ الْخِصَالِ التي تؤديه إلى محبتهم إياه. Ça c'est le résumé. Donc al-wajib, parmi les bons comportements, doit faire des efforts pour avoir un bon comportement. Hatta ton frère musulman, il t'aime. Il t'aime parce que tu es un musulman et il t'aime pour ton comportement. Et kadhalik, on doit faire des efforts pour s'écarter des bons, des mauvais comportements. ثم قال ومن أعظم ما يتوسل به إلى الناس ويستجلب به محبتهم البدل لهم مما يملك المرء من حطام هذه الدنيا واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذى. Il a cité deux choses. Parmi les causes pour que tu sois uni avec tes frères, il y a de la mahabba, cet amour fillah entre tes frères. Il a cité ces deux points. البدل لهم مما يملك المرء من حطام هذه الدنيا. Des choses, peut-être que pour toi ça n'a pas une grande importance. Des choses de dunya, ça peut être argent ou autre. Enfin, si tu appliques hada al-badl, c'est le fait de donner, tu donnes l'illa à ton frère, la shakannahu, ça renforce les liens. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam قال تهادوا تحبوا. Faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Hada la shakannahu, ça renforce les liens. Et un nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum, quand il recevait des al-ghanaim suite à des batailles, suite au djihad, beaucoup de butins, un nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mu'allafatu qulubuhum, certains qui étaient nouveaux dans l'islam, qui avaient besoin d'aide, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur donnait le plus. Pourquoi? Pour les rapprocher. Fa'anta, matalan, khasatan avec tes proches, khasatan ceux qui pensent beaucoup à dunya et qui sont loin du ilm. Enfin, ça les touche. T'as un cadeau, tu perds rien, akhil karim. Belle citaniya, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour appliquer hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu seras récompensé. Encore plus avec les parents. Ahyanan on néglige, hada. Ahyanan on néglige. Ça arrive que de commettre une faute avec les parents, une mauvaise parole. Matalan, tu ne les as pas visités tel jour et ils prennent dans leur nefs. Hada, ça arrive. Khasatan avec l'âge encore plus. Un bon comportement, et parmi le bon comportement, un cadeau. Un cadeau à ta mère, un cadeau à ton père. Tu verras que ça les touche beaucoup. Dans le cadeau, l'essentiel, ce n'est pas la valeur du cadeau. Ce n'est pas que ça lèche, que ça joue la valeur du cadeau. Les gens, ils sont touchés par le cadeau. Tu as pensé à lui. Tu as fait cet effort d'acheter cette chose, de lui apporter. Et ça touche. Les cœurs vivants, ça les touche. Qala. واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذى. Deuxième chose, Anna, tu patientes face à leurs injustices, face à leurs manquements. On peut citer le même exemple avec les parents, avec les proches encore plus. Tu entendras des mauvaises paroles, tu verras des mauvais comportements. Lakin, si tu patientes et tatahammal, khasatan en tant que sunni, en tant que talib ilm, en tant que tu connais la vérité, en tant que tu as accès aux paroles des savants, walillahil hamd, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné tout ça, tatahammal, patiente sur tes proches, patiente sur tes frères. Attends, on préserve al-jama'a. Ama, une chose, et ça arrive, et ça arrive, une chose, ça divise tout le monde. Une mauvaise parole. Khalas, ils entendent une mauvaise parole de leur frère ou de leur ami, c'est l'hajr à vie. Il boycotte à vie. Il lui demande pardon. On essaye d'intercéder. Sulh ila akhiri. Impossible. Na'oudou billah. Na'oudou billah min hadihi al-qaswa. On n'est pas tout seul, on est une umma. On est une jama'a. Et on doit faire attention à la shaytan. Omniyato. Son principal objectif, c'est de diviser. Entre l'homme et sa femme, entre le frère et son frère, entre le parent et le fils, entre son frère et son frère, et fiddin. Nahdhar. On fait attention. Qala, rahimahullah, falou anna l'mar, sahibahu ta'ifatan. إحداهما تحبه والأخرى تبغضه فأحسن إلى التي تبغضه وأساء إلى التي تحبه ثم أصابته نكبة فاحتاج إليهما لكان أسرعهما إلى خذلانه وأبعدهما عن نصرته الطائفة التي كانت تحبه وأسرعهما إلى نصرته وأبعدهما عن خذلانه الطائفة التي كانت تبغضه لأن الكلب إذا شبع قوي وإذا قوي أمل وإذا أمل تبع المأمول وإذا جاع ضعف وإذا ضعف أيس وإذا أيس ولا عن المتبوع. Un exemple جميل. Un exemple جميل أن en avec le bon comportement, en donnant lillahi azza wa jal, en faisant des efforts pour maintenir les liens bi idnillahi azza wa jal, tu trouveras du khayr. Qala faman udima almal falyabsut wajhahu linnas. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les cadeaux, le matériel. Ahyanan tu ne peux pas, tu n'as pas d'argent, tu as oublié. Qala rahimahullah faman udima almal, celui qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien physique matériel, falyabsut wajhahu linnas. Wallahi, un simple sourire, ça peut tout arranger. Lakin, pour faire ce sourire qui est très très simple, un sourire, c'est une toute petite haraka des lèvres, de la bouche, c'est un mouvement très simple. Lakin, wallahi, si l'insan, il n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, si l'insan, il ne combat pas shaytan, shaytan yajri majra d'dam, shaytan, il coule dans les veines comme le sang. Si on ne fait pas cet effort, wallahi, anna hadhihi l'ibtisama, ce petit sourire, ça devient aussi lourd qu'une montagne. Cet appel téléphonique, on vit à une époque, un appel, c'est devenu pratiquement gratuit avec les réseaux. Un il a arrêté cet appel, wallahi, ça sera très très difficile. Encore plus avec les proches. On est fidounia, ya ikhwan. Ce bas monde, c'est un test. Wallahi, l'orgueil, c'est d'aucune utilité. La fierté, c'est d'aucune utilité. Oh, c'est tel quand c'est mal placé. Celui qui travaille, qui avance pour Allah subhanahu wa ta'ala, son objectif, ça devient Allah azza wa jal. La yuwali. Il regarde plus ce que les gens ils vont dire. Là, il regarde ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait des efforts pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Wahda. Qala fa inna dhalika yaqum maqam badli al-ma'ruf idh huwa ahadu tarafayh. Badl al-ma'ruf, c'est le fait d'être généreux. Tu peux être généreux avec tes biens, avec le matériel, l'argent, etc. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé à hada. Combien de fois il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man yatasaddaq ala fulan. Qui c'est qui fait une sadaqa pour Fulani? Il les encourageait à dépenser fi sabilillah. Et kadhalik badl al-ma'ruf, avec ta langue, avec un sourire, avec un service, avec un message à notre époque, avec un appel ila akhri. Fahada la shak an yahsul fihi khayr azim. Thumma qala rahimahullah. On passe directement au dernier athar de Mujahid. قال عن مجاهد رحمه الله قال مجاهد ابن جبر إمام المفسرين parmi les grands élèves de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما il fait partie de أئمة التابعين c'est une référence dans التفسير قال إذا لقي المسلم أخاه وصافحه وكشر في وجهه كشر المحقق il a cité une définition عم تبسم وضحك كشر أي c'est le fait de sourire. Donc si un musulman il rencontre son frère et lui serre la main avec un sourire. قال في وجهه تحاتت ذنوبه كما تحات العذق من النخلة. C'est une cause, il y a des hadiths qui appuient ce genre de ma'ani, le fait de s'aimer fillah, de se serrer la main, d'avoir un bon comportement envers son frère. Là chacun là c'est une cause de guider. C'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève en degré. Et c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne tes péchés. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala l'i'ana wa t'oufiq. Kama nas'aluhu azza wa jal an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa ma watan. Wa lillahi l'hamd. On a fini pour aujourd'hui le chapitre donc numéro 8. Ce livre, pour bien le comprendre, il faut... Pour ceux qui ont assisté avec nous depuis le début, vous avez remarqué que l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, il ne cite pas tout dans un chapitre. Il cite un chapitre et il cite un autre qui le complète. Enfin, pour bien comprendre, ça c'est كذلك آفة من الآفات, pour comprendre et pour mettre en application. On est limité dans la compréhension d'un sujet à cause d'un manque de science et on pense qu'il faut faire comme cela. Si on reprend notre exemple, la douceur, la dureté. Tu peux trouver des hadiths sur la douceur. Et Wardanès, je pense qu'il faut être doux avec tout le monde. Même avec Ahlul Bida', même avec le Kafara, il fait des concessions dans son dîn, jusqu'à ce qu'il se fait beaucoup de mal. Wardanès, ils ont connaissance de certains adillah, ou des aqwal de salaf sur la fermeté et la dureté, ils l'emploient avec leurs frères. Léna, ils pensent que c'est avec tout le monde. Son frère sunni, il a fait une erreur, c'est comme si c'est un jahmi qui a fait une erreur. Là, ton frère, c'est un sunni, il a arrêté. Enfin, pour bien comprendre et mettre en application, il faut avoir des connaissances. Enfin, ce livre, il est important. On essaye de le traiter entièrement. Hatta on a wallahi alhamd la voie du prophète alayhi salatu wa sallam dans les bons comportements. Et on passe à la deuxième partie de notre cours, inshallah.